L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 17 mai s'ouvre les 14e rencontres départementales Égalité Fraternité Agissez. Sophie Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente des projets d'engagement citoyen pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Cette année, c'est le thème de la santé qui va marquer cette 14e édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà dans les grandes lignes ce que sont ces rencontres départementales Égalité Fraternité Agissez ? Oui, bien sûr. Depuis 2004, sont organisées ces rencontres de lutte contre toute forme de discrimination, où en fait pendant une semaine, donc la semaine EFA, Égalité Fraternité AJC, sont mis en lumière toutes les actions des partenaires au niveau du département qui répondent à une thématique bien spécifique qui est choisie et qui est différente chaque année. Donc cette année c'est le thème de la santé, un thème qui avait déjà été choisi même avant la crise sanitaire que l'on connaît depuis un an. De quelle manière vous allez l'illustrer et le mettre en avant ? La thématique effectivement avait été choisie en 2019, donc avant le début de la pandémie. Nous avons décidé de rechoisir la même thématique sur 2021 puisque de nombreux partenaires s'étaient investis pour l'édition 2020 qui a été entièrement annulée. Donc on a choisi de renouveler la thématique. La santé va être abordée, alors non pas dans le cadre de l'accès au droit puisque nous n'avons pas les fonctions de la sécurité sociale, mais plus du point de vue un peu philosophique, à savoir malgré ma santé, je dois pouvoir prétendre avoir accès à tout, quel que soit mon degré de précarité au niveau de la santé, et de pouvoir poursuivre l'accès à la culture, à l'éducation, l'accès aux sorties, mais également au travail, et d'être accepté tel que je suis. Cette semaine commencera le 17 mai. Il y a une quarantaine d'événements, je crois, un peu partout sur le département. Oui, on est presque à 50 événements, en fait, 50 actions, puisqu'on a des nouvelles actions qui ont été intégrées à la programmation. C'est super, parce que les partenaires sont présents, se sont mobilisés. On remarque aussi l'envie là, de chacun de pouvoir retrouver un petit peu les usagers, de pouvoir se retrouver, même si parfois c'est à distance. Mais oui. Voilà, on a réussi à maintenir ces événements-là. Donc il va y avoir des temps forts. On peut peut-être parler un peu de la journée d'ouverture, le 17 mai. Comment ça va se passer ce jour-là ? Alors le 17 mai, il y a eu la volonté de donner la parole à la jeunesse et de recréer ce lien avec les personnes âgées, puisqu'on a constaté que c'était les deux générations qui étaient les plus éloignées. Les personnes âgées n'avaient plus le droit de voir leurs petits-enfants, les petits-enfants n'avaient plus le droit de voir les grands-parents pour préserver la santé de chacun. On a voulu recréer un lien parce qu'après des échanges avec des personnes âgées, on s'est rendu compte que les personnes âgées avaient mal au cœur pour cette jeunesse qui avait été tant mise de côté, tant remarquée, notamment à la rentrée avec les journées d'intégration. Et cette jeunesse, on a voulu la faire participer en priorité à ce EFA 2021. Et à la table ronde, en fait, c'est la jeunesse qui va venir s'exprimer, témoigner, parler un petit peu de l'année écoulée, mais aussi montrer que la jeunesse, c'est des projets solidaires, citoyens, avec notamment le rallye du sang là, qui s'est déroulé du 3 au 7 mai à destination de tous les étudiants de Nancy. C'est une action qui a été pilotée par la Corporation des étudiants de l'école de kiné de Nancy et qui souhaitait mobiliser la jeunesse et les étudiants nancéens à participer au don du sang. Donc ça, c'est déjà une grosse action qui a déjà eu lieu et en fait, le résultat sera connu le jour du lancement EFA, donc le 17 mai, après la table ronde où les jeunes iront s'exprimer, pourront échanger avec les élus du département. Si on devait mettre en lumière aussi peut-être un ou deux temps forts accessibles au grand public, si des auditeurs voudraient participer à ces rencontres cette année ? Alors sur le territoire Terre de Lorraine, Neuve-Maison et Toul, il y a plein d'animations sportives, puisque le sport contribue à notre santé, à notre bien-être, que ce soit moral ou physique, où il y a de la découverte sportive à destination de tout public, de tous les âges, où on peut aller tenter de nouvelles expériences sportives avec les animateurs sur le secteur. On a également sur l'Onwi l'arbre à message qui va être mis en place par les adolescents, la maison des ados qui s'appelle Eldorado et la ville de l'Onwi, pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'exprimer à travers un arbre à message, voilà, sur de l'écrit, de pouvoir valoriser cette parole aussi de la jeunesse. Nous avons également une action sur Nancy en lien avec l'association AD2S, Médecins du Monde, France Assoce Santé, là qui est accessible. Le lien pourra être retrouvé sur le site du département www.meurthe-et-meuselle.fr. Il y a toute la programmation EFA où on peut s'inscrire à cette visioconférence sur la discrimination liée à la santé. Voilà, une cinquantaine d'événements organisés lors de ces 14e rencontres départementales Égalité Fraternité AJC. Tout le programme, vous l'avez dit, sur le site du Conseil départemental. Un dernier mot peut-être concernant ces rencontres ? Ce sont des rencontres qui ont été montées pendant une période atypique où la pandémie nous a un petit peu éloignés les uns des autres. Et en fait, c'est une action qui va nous permettre à tous de pouvoir nous réunir, de près ou de loin, mais de pouvoir remontrer la solidarité et la citoyenneté des Meurthe-et-Mosellans. Merci beaucoup Sophie Didier. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.